cette séance porte sur un sujet qui m'a semblé important de proposer à mes collègues du collectif de coordinateurs de ce séminaire politique des sciences, parce que il doit nous permettre d'intégrer à cette réflexion sur les transformations de la production du savoir, d'intégrer deux éléments. L'un qu'on a déjà pas mal intégré, sur lequel on s'est déjà pas mal interrogé, c'est qu'est-ce qu'une communauté scientifique, qu'est-ce qui forme une communauté scientifique. Vous savez qu'un des éléments des débats d'il y a deux ans, c'était les chercheurs ou les enseignants-chercheurs sont d'autant plus faibles qu'ils ne forment pas un corps social. Alors, d'où sans doute la difficulté à faire valoir une position sociale et des revendications pour l'ensemble de la société, mais aussi d'être capable de s'organiser durablement face à un pouvoir. Ce point-là, il est abordé depuis assez longtemps par pas mal de collègues dans les enquêtes et dans la pratique, en particulier des collègues qui travaillent sur les communautés scientifiques des pays du Sud, comme on dit. C'est pour ça que l'autre élément que je suis content aussi d'aborder, quoi, ou d'apporter à nos débats par la séance d'aujourd'hui, c'est celle des rapports Nord-Sud, comme on dit, alors dans un intitulé très large, qui veut dire les politiques scientifiques de l'Europe, des pays européens en direction des pays du Sud, et puis l'autre dimension qui est comment des communautés scientifiques se forment au sein de ces pays. Donc on pense à l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie en particulier, quoi. Bon. Et puis comment des communautés scientifiques se forment, ce qui pose un petit peu la question à la fois on va dire théorique et politique des diasporas scientifiques. Sur le plan anthropologique, je suis très réticent, travaillant sur les questions de lieux, de délocalisation et déplacement. Je suis très réservé, réticent à utiliser le terme de diaspora, par exemple, puisque ça voudrait supposer, a priori, un territoire délocalisé, comme on dit, ou une communauté délocalisée. Donc la question des diasporas scientifiques est importante. Et on peut l'aborder comme un concept général qui nous ouvrirait un terrain qui est de dire que deviennent les chercheurs des pays du Sud quand ils se disséminent dans le monde, pour ceux qui peuvent se disséminer dans le monde. Est-ce qu'ils gardent leur ancrage local, national, pour former des lieux de production du savoir dans leurs espaces locaux ou nationaux? Ou bien est-ce qu'ils se globalisent, quoi, individuellement ou en groupe? Est-ce qu'ils finissent par être tout globalisés, un peu à la manière des pensées à la Padurai, et finalement perdant leur ancrage et leurs intérêts ou leurs stratégies locales et nationales? Voilà, quoi, les questions qu'on peut essayer d'aborder, bien d'autres. Alors, j'ai invité trois collègues à venir nous présenter des interventions, en leur demandant de faire des interventions courtes, comme on fait habituellement, pour qu'il puisse y avoir débat. En gros, quoi, une vingtaine de minutes, pas plus, quoi, pour les interventions, et tous les thèmes étant à reprendre et à redévelopper dans le cadre de ce débat. Alors, Rigas Arbanitis est directeur de recherche à l'IRD, sociologue, rédacteur en chef de la revue Revue d'anthropologie des connaissances, donc qui est une revue en ligne dont je vous fais passer la page de présentation, et en particulier le sommaire du numéro concernant la science dans les pays non hégémoniques. Dominique Vinck est professeur des universités en sociologie à l'université de Grenoble, et donc ses recherches portent sur la sociologie des sciences et de l'innovation. Et puis, troisième intervenant, Patrice Yengo, que certains connaissent déjà, qui est fréquemment au deuxième étage de ce bâtiment, et donc, qui est donc anthropologue de l'université Marianne Gwabi à Brazzaville, chercheur associé au Centre d'études africaines, et un des animateurs de différents groupes et diaspora et organisations de chercheurs africains hors d'Afrique. Voilà, donc je vais passer la parole dans l'ordre à Rigas, Orvanitis, Dominique Vinck et Patrice Yengo.